Chapitre 2. L'homme de haute taille, qui, dans les ténèbres, avait passé près du capitaine Raig, continua de longer rapidement la route, prit ensuite à travers un petit terrain vague, et franchit enfin la porte toute grande ouverte de l'unique hôtel d'Aldborough. La lanterne allumée dans le corridor, éclairant son visage au moment où il passa devant elle, attesta que le capitaine Raig avait deviné juste et que l'inconnu était bien Mr. Kirk de la marine marchande. Venant à rencontrer l'hôtelier, Mr. Kirk lui adressa le salut familier d'une ancienne pratique. « Avez-vous le journal ? » demanda-t-il. « Je voudrais jeter un coup d'œil sur la liste des baigneurs. »« Je l'ai dans ma chambre, monsieur, » répondit le maître de l'hôtel, dirigeant Mr. Kirk vers un salon situé au fond de l'hôtel. « Supposeriez-vous par hasard qu'il est arrivé chez nous quelqu'un de vos amis ?» Le marin, sans répondre, parcourut la liste, dès que le journal lui eût été remis, posant son doigt sur chaque nom l'un après l'autre. Le doigt s'arrêta tout à coup sur cette ligne, « Seaview Cottage, Mr. Noel Vanstone ». Mr. Kirk, de la marine marchande, se répéta le nom qu'il venait de lire et posa le journal d'un air pensif. « Auriez-vous trouvé quelqu'un de connaissance, capitaine ?» demanda l'hôte. « J'ai trouvé un nom que je connais. » Un nom que jadis j'ai souvent entendu prononcer par mon père. Ce Mr. Vanstone a-t-il des enfants? Sauriez-vous par hasard s'il a auprès de lui une jeune personne? Je l'ignore, capitaine. Ma femme sera rentrée d'ici à quelques instants. Elle pourra bien certainement vous renseigner là-dessus. Si votre père a connu ce Mr. Vanstone, il doit y avoir quelques années de cela. Il y a effectivement assez longtemps. Mon père a connu un officier de ce nom, alors qu'il servait dans un régiment envoyé au Canada. Il serait curieux que le personnage ici mentionné se trouve être celui dont je parle, et que la jeune personne fût sa fille. Pardon, capitaine, mais cette jeune personne semble vous préoccuper quelque peu, dit l'hôte avec un agréable sourire. On eût dit que la bonne humeur de cet homme, sous la forme qu'elle venait de prendre, n'était pas tout à fait du goût de Mr. Kirk. Il revint sans transition à l'officier du régiment canadien. « L'histoire de ce pauvre garçon était une des plus lamentables que j'ai jamais entendues, » dit-il, jetant un regard distrait sur la liste des visiteurs. « Y aurait-il quelque inconvénient à la raconter, monsieur ?» demanda le maître d'hôtel. « Lamentable ou non, quand on sait qu'elle est vraie, une histoire est toujours une histoire. » Mr. Kirk hésita. « Je ne crois pas vraiment qu'il soit à propos de la répandre, » dit-il ensuite. « Si cet homme ou quelques-uns de ses parents vivent encore, » il n'aimerait pas avoir des étrangers au courant de ce récit. Tout ce que je puis vous dire, c'est que mon père fut le sauveur de ce jeune officier dans des circonstances vraiment terribles. Ils se séparèrent au Canada. Mon père resta dans son régiment. Le jeune officier vendit son brevet et revint en Angleterre. À partir de ce moment, ils se perdirent de vue. Ne serait-il pas curieux que ce Vanstone-ci fût justement le même individu? Ne serait-il pas curieux? Il s'imposa brusquement en silence, juste au moment où une nouvelle allusion à la jeune personne allait échapper à ses lèvres. Presque en même temps, la maîtresse de l'hôtel vint à rentrer, et Mr. Kirk continua immédiatement son enquête par devant cette juridiction supérieure. « Pourriez-vous m'apprendre quelque chose de ce Mr. Vanstone que je vois porter tel sur la liste des baigneurs ?» demanda le marin. « Est-il bien vieux ?» « C'est un pauvre petit être de fort piètre mine, » répondit l'hôtesse. « Pourtant, capitaine, ce n'est pas un vieillard. »« Alors ce n'est pas celui dont je parlais. Son fils, peut-être. A-t-il des dames dans sa maison ?» L'hôtesse secoua la tête, et avec une moue passablement dédaigneuse. « Il a chez lui une femme de charge, une personne d'un certain âge, d'un rang qui n'est pas le mien. Peut-être ai-je tort, mais je n'aime pas avoir, dans de telles positions, des femmes si bien mises. » Mr. Kirk commençait à manifester quelque embarras. « Je me serais trompé de maison, » dit-il. « N'y a-t-il pas un Seaview Cottage, une pelouse octogone et à la rencontre des allées un bâton de pavillon peint en blanc ?»« Ce n'est pas Seaview, monsieur. C'est North Shingles que vous venez de décrire, la maison occupée par Mr. Bygrave. Sa femme et sa nièce sont arrivées aujourd'hui par la diligence. La première est une espèce de géante à montrer en foire, et de plus, la femme la plus mal mise que j'ai jamais vue. Mais parlez-moi de Miss Bygrave. Celle-là vaut bien le coup d'œil, s'il m'est permis de parler ainsi. c'est à mon goût, la plus belle fille que nous ayons ici depuis bien longtemps. Je me demande qui ces gens peuvent être. Connaissez-vous leur nom, capitaine ?»« Non, » répondit Mr. Kirk, dont la figure brune et hâlée semblait encore assombrie par un nuage de mécontentement. « C'est un nom que j'entends pour la première fois. » Il se leva, cette réponse faite, pour prendre congé. L'hôte l'engagea vainement à boire le coup de l'étrier. Vainement, l'hôtesse lui demanda de rester encore 10 minutes, le temps de lui préparer une tasse de thé. Il répondit simplement que sa sœur l'attendait et qu'il lui fallait, sans plus de retard, retourner au presbytère. En quittant l'hôtel, Mr. Kirk prit la direction de l'ouest et, par la grande route, s'enfonça dans l'intérieur des terres, marchant aussi vite que l'obscurité le lui permettait. « Bygrave, » se disait-il à lui-même, « me voilà bien avancé. Si elle se fût appelée Vanstone, le fils de mon père aurait eu quelque chance d'entrer en relation avec elle. » Il s'arrêta et, tournant la tête, regarda du côté d'Alborough. « Quelle folle !» s'écria-t-il tout à coup, frappant la terre de sa canne. « Et je viens d'avoir 40 ans !» Il reprit sa marche plus rapidement que jamais, la tête basse, ses hardis yeux noirs fouillant l'obscurité du sol comme ils avaient bien des fois fouillé celle de la mer, alors que sur le pont de son navire, il faisait le quart de nuit. Après avoir marché plus d'une heure, il atteignit un village dont la vieille petite église, jouxtant le presbytère, s'abritait avec lui dans le même bas-fond. Il entra dans la maison par une porte de derrière et trouva sa sœur, mariée, nous l'avons dit, au ministre de la paroisse, qui travaillait seule dans le salon. « Où est votre mari, Lizzie ?» lui demanda-t-il, prenant un fauteuil. « William est sorti pour aller voir un malade. Mais avant de me quitter, » ajouta-t-elle avec un sourire, « il a eu le temps de me raconter vos fredaines. Il se déclare bien décidé à ne plus vous conduire dans les rues d'Alborough, que vous ne soyez un homme établi et rangé. » Elle s'arrêta et regarda son frère plus attentivement qu'elle ne l'avait encore fait. « Robert, » dit-elle, en écartant son ouvrage pour aller à lui. « Vous avez l'air inquiet. Vous avez l'air malheureux. » « William ne m'a parlé qu'en plaisantant de votre rencontre avec cette jeune personne. Y aurait-il là quelque chose de sérieux ? Voyons, parlez-moi d'elle. Que dois-je en penser ?» Le marin détourna la tête sans répondre. Sa sœur avait pris un tabouret pour s'installer à ses pieds et ne cessait de lever les yeux vers lui. « Est-ce donc sérieux, Robert ? » recommença-t-elle avec douceur. Le visage de Kirk, ce visage qui avait affronté tant de tempêtes, n'était pas un masque menteur. Avant qu'il eût articulé une parole, ce visage avait déjà répondu pour lui. « Attendez que j'aie filé mon nœud pour parler de tout ceci à votre mari, » dit-il avec une rudesse à laquelle sa sœur n'était pas habituée. « Je sais fort bien qu'on a le droit de se moquer de moi, mais je n'en souffre pas moins, après tout. »« Vous souffrez, » répéta-t-elle, stupéfaite. « Sachez-le bien, Lizzie. Vous ne me trouvez pas plus ridicule que je ne le suis à mes propres yeux, » poursuivit Kirk avec amertume. « Un homme de mon âge devrait être mieux avisé. Je ne l'ai contemplé en tout guère plus d'une minute. Et pour me ménager la chance de la revoir, je suis resté à rôder dans ce mauvais bourg jusqu'à la tombée de la nuit. Rôder, c'est bien le mot. Je m'en serais servi, trouvant un homme de mon équipage occupé comme je l'étais moi-même. Je crois vraiment que je suis ensorcelé. Ce n'est qu'une enfant, Lizzie. Je doute qu'elle ait 20 ans. Je pourrais donc être son père. Mais c'est égal. Elle hante malgré moi ma pensée. En venant ici ce soir, par cette obscurité d'enfer, j'ai eu constamment son visage devant mes yeux. À présent encore, il est là, me regardant, et je le vois aussi nettement, plus nettement peut-être que le vôtre. Il se leva brusquement et se mit à parcourir la chambre en long et en large. Sa sœur le regardait avec un étonnement mêlé de sympathie. Elle l'avait toujours vu, enfant, jeune homme, et plus tard encore, exerçant sur lui-même un empire absolu. Pendant des années où la fortune de la famille avait subi de rudes échecs, il avait été leur exemple à tous et leur soutien. Elle avait entendu raconter maint épisode de sa vie en mer, où des centaines de créatures humaines, ayant à compter sur son sang-froid et sa fermeté d'âme pour échapper à un trépas imminent, n'avaient pas été déçus dans leur confiance. Et jamais sa sœur n'avait vu, détruit comme elle le voyait maintenant, l'équilibre de cette nature calme et bien mise. Quelles absurdités me contez-vous à propos de votre âge et de votre personne ? Lui dit-elle enfin. Je ne sais pas de femme, Robert, qui mérite de vous appartenir. Le nom de celle-ci ? Bygrave. La connaissez-vous ? Non. Mais j'aurais bientôt fait connaissance avec elle. Si nous avions un peu de temps devant nous, si je pouvais aller là-bas et l'entrevoir. Mais vous nous quittez demain, et votre vaisseau prend la mer à la fin de la semaine. Grâce à Dieu ! S'écria Kirk avec une ferveur sincère. Comment ? Demanda-t-elle de plus en plus étonnée. Seriez-vous heureux de ce prompt départ ? Je comprends au moins, Lady, à quel point ce départ est heureux pour moi. Si j'ai quelque chance de rentrer jamais dans mon bon sens, c'est lorsque je me trouverai sur le pont de mon navire. Cette jeune fille s'est déjà placée entre moi et mes pensées. Je ne la laisserai pas se placer entre moi et mon devoir. Quant à ceci, voyez-vous, ma résolution est bien prise. Si insensé que je sois, il me reste assez de raisons pour me méfier de moi-même et de ce qui arriverait demain matin si je demeurais trop près d'Aldborough. 20 000 de marche en sus de ma promenade ne sont pas pour m'effrayer, et je vais m'en retourner ce soir même. Sa sœur s'en dressa et lui saisissant le bras. « Robert, s'écria-t-elle, vous ne songez pas ce que vous dites. Vous ne prétendez pas nous quitter à pied, tout seul, par cette nuit noire. Eh, ma chère, c'est tout simplement finir la journée par un adieu, au lieu de la commencer par un adieu, répondit-il avec un sourire. Tâchez, Lizzy, de bien apprécier la situation. Ma vie s'est passée à la mer, et je ne suis pas accoutumé à ces orages intérieurs. Les hommes de terre y sont faits. Les hommes de terre n'en ont pas peur. Pour moi, je n'ai pas tant de courage. Si je passais la nuit ici, je ne fermerais pas l'œil. Si je m'attardais jusqu'à demain, ce serait pour chercher à la revoir. Je suis déjà bien assez honteux de moi-même. Il serait inutile d'ajouter à tant de confusion. Tâchons, sans y regarder à deux fois, de revenir à mes devoirs et à moi-même. L'obscurité n'est pas un obstacle pour moi. J'y suis fait depuis longtemps. Je ne quitte pas la grande route, et par conséquent je ne saurais m'égarer. Laissez-moi partir, Lizzy. Un marin de mon âge ne doit s'éprendre que de son vaisseau. Laissez-moi bien vite y retourner. » Sa sœur, qui le tenait encore par le bras, insistait pour le garder jusqu'au matin. Il l'écoutait avec une patience affectueuse, mais elle ne parvint pas à ébranler un instant sa résolution. « Que dirais-je à William ? » disait-elle, toujours plus pressante. « Que penserait-il au retour, vous trouvant parti ? » Vous lui direz que j'ai suivi le conseil qu'il nous donnait dans son sermon de dimanche dernier. Je bats en retraite devant le monde, la chair et le démon conjuré. Comment pouvez-vous parler ainsi, Robert ? Et les enfants, donc ? Vous aviez promis de ne pas partir sans dire adieu aux enfants. Ceci est exact. Une promesse me lie envers mes petits-neveux. Aussi vais-je la tenir. Tout en parlant, il déposait ses souliers sur la natte placée devant la porte. « Éclairez-moi là-haut, Lizzy. Je dirai adieu aux deux marmots sans les réveiller. » Elle vit qu'il était inutile de lui résister plus longtemps et, prenant le flambeau, elle conduisit son frère à l'étage supérieur. Les garçons, tous deux encore en bas âge, couchaient dans le même lit. Le cadet, favori de son oncle, était en même temps son filleul. Il était paisiblement endormi, tenant serré contre sa poitrine un petit navire grossièrement sculpté. Les regards de Kirk s'adoucirent au moment où, sur la pointe des pieds, il se penchait au chevet de l'enfant et l'embrassait avec la tendresse d'une femme. « Pauvre bonhomme !» disait affectueusement le marin. « Il aime son petit navire tout comme j'aimais le mien à cet âge. Je lui en taillerai un plus beau quand je reviendrai. Me donnerez-vous quelques jours mon neveu, Lizzy, et me permettrez-vous d'en faire un marin ?»« Oh, Robert, que n'êtes-vous marié ? Que n'êtes-vous heureux comme votre sœur est heureuse ? Le temps est passé d'y songer, ma chère. Je n'ai plus qu'à tirer parti de moi comme je pourrais, avec l'aide de mon beau petit-neveu. » Il quitta la chambre. Sa sœur pleurait à grosses larmes quand ils rentrèrent dans le salon. « Il y a, disait-elle, quelque chose de triste et d'effrayant à vous voir vous en aller ainsi. Voulez-vous, Robert, que je parte demain pour Aldborough et que j'essaye en votre honneur de me lier avec cette jeune fille ? » Non. Répondit-il. Laissons sa destinée s'accomplir. S'il est écrit que je dois revoir cet enfant, je la reverrai. L'avenir en décidera. et vous ferez bien de lui en laisser la décision. » Il avait remis ses souliers et pris son chapeau et sa canne. « Je ne me surmènerai pas, soyez tranquille, » disait-il presque gaiement. « Si la voiture ne me rejoint pas en route, je puis fort bien attendre à la station du déjeuner. Séchez vos yeux, ma chère, et donnez-moi le baiser d'adieu. » Elle ressemblait à son frère. Elle avait le même teint et les mêmes traits. Elle avait aussi comme un reflet du courage fraternel. Elle refoula ses larmes et prit congé de lui bravement. « Je reviendrai d'ici un an, » dit Kirk, retrouvant sur le seuil ses allures de marin. « Je vous rapporterai, Lizzie, un beau châle de Chine et une caisse de thé pour votre armoire à provision. Empêchez les enfants de m'oublier et ne me gardez pas rancune. Ne me blâmez pas de vous quitter ainsi. » « Je sais et je sens que j'ai raison. Dieu vous bénisse et vous garde, chère sœur, vous, votre mari et vos enfants. Adieu. » Il se pencha pour l'embrasser. Elle courut jusqu'à la porte pour le suivre encore du regard. Une bouffée d'air éteignit le flambeau. La nuit épaisse vint en une seconde séparer le frère et la sœur. 3 jours après, la Délivrance, navire marchand de première classe sous les ordres du capitaine Kirk, partait de Londres pour les mers de Chine.